Gréco la pépé. Là je suis de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Plage, palmier, t'es dans le bon, t'es dans le bon. J'te nana, les souvenirs sont noirs comme Corée. On fait des choix, nous on élabore. Ils veulent tous les missiles comme la Corée. Ces fils de putain, ils vont danser la Corée. J'avais pas Jimmy la bonne. Aujourd'hui je pose avec une icône. J'démasse son cul comme un porc à l'hippodrome. J'démasse la course avec un poney. Et le photon comme des Disney. Moi je suis posé au Ritz avec des tismés. Rajoute des M, j'en veux 2 plus 2. J'ai posé le Glock sur le 90D. J'suis à Chanel, je la regarde, mais je pense à la fortune des Verdheimer. Et j'ai mis son cœur dans mon verdrine nord. Et que ça surveille le terrain comme Ferdinand. Donc Monty, j'arrive en prodige comme Monty. Hostile, quitte pas la zone quand c'est hostile. Vista, j'ai fait des passes comme Ozzy. Costa, on est venu braquer Gatsby. Si le baveur relit pas, je vais pas signer. Je me sens comme Pogba qu'à re-signer. Putain, le cœur il est décimé. Un terrain ça dure pas une décennie. Je vais faire le tour du monde. Je sais pas toi tu me fais la gueule. Je sais pas toi tu me fais la gueule. J'ai recouvert mes plaies. La monnaie m'appelle. La monnaie m'appelle. La monnaie m'appelle. La monnaie, des fois les frères me font le rappel. Après un bédo, personne s'en rappelle. Mélange de Jack et le miel. Slalom entre le mal et le bien. Osmanien, putain d'auteur sous plafond. Théo Stark, Harry pue le plafond. Et les tarpes, et on parlait comme Shakespeare. On leur met dans la bouche à la Gustavo. Je sens la porte comme si j'étais au strip. Découpe les plaquettes comme Blaise dans le film. Ma vie un film. Comme les Giro, moi j'ai rodé la nuit. Je vais vers Alicante, je vais passer le week. Passer le week, elle veut chiller au bed. Genre du notaire et le pavé m'appelle. Gun à la main, je suis venu chercher ma paix. Si le baveur relit pas, je vais pas signer. Je me sens comme Pogba qu'à re-signer. Putain, le cœur il est décimé. Un terrain ça dure pas une décennie. Je vais faire le tour du monde. Je sais pas toi tu me fais la gueule. Je sais pas toi tu me fais la gueule. J'ai recouvert mes plaies. La monnaie m'appelle. Si le baveur relit pas, je vais pas signer. Je me sens comme Pogba qu'à re-signer. Putain, le cœur il est décimé. Un terrain ça dure pas une décennie. Je vais faire le tour du monde. Je sais pas toi tu me fais la gueule. Je sais pas toi tu me fais la gueule. J'ai recouvert mes plaies. La monnaie m'appelle. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la capitale du crime radio. Yorsi était de passage dans les studios. Gros big up à tous mes gars d'Orléans. Let's ski, shit. Banlieue sale musique.